Cette semaine, on parle de Gabor Silasi, du Fujifilm X-H1, du Sony A7 Mark III et de Coïncidence Extraordinaire. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 122. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de Maxime Soriol. Oh yeah! Et on a une invitée, Émilie Plante. Bonsoir. Christian n'est pas là. Et c'est donc la première fois que je fais une émission sans les deux membres originaux, si on veut, de l'équipe, sans mes deux coéquipiers habituels. Ça fait tout drôle. C'est comme... Une première. Serait-ce la relève? Non. Attends, ça me fait penser aux Sugar Babes. Groupe extrêmement populaire, Girls Band, qui allait succéder aux Spice Girls, qui a été fondée, on va aller bien vite, là, il y a eu beaucoup de succès en Angleterre, fondée par trois adolescentes. Ils ont eu le premier album, il y a eu The Chicane. Il y a une fille des trois qui est partie, ils l'ont remplacée. Ils ont sorti un autre album, je ne sais pas si il y a eu The Chicane ou pas, mais une autre des deux fondatrices est partie, ils l'ont remplacée. Okay. Ils ont fait un album ou deux, puis la dernière fondatrice, ils l'ont remplacé. Puis là, c'est encore le même nom, mais c'était plus les mêmes. Ah oui. Fais attention, ça veut dire que t'es le prochain. Oh, je suis le prochain sur la liste. Oh my God. Moi, ouais. Emily, ou peut-être François va revenir. Puis, mais je pense qu'il y en a une qui est revenue pour le dernier album. Ça. François, on attend ton comeback. voilà, on va continuer comme à l'habitude de vous demander ce que vous avez fait côté photo. Ben là, pour Émilie, ça ne sera pas depuis la dernière fois, mais il y a une raison pour laquelle tu es présente sur l'émission. C'est qu'on est allé voir une exposition sur le photographe montréalais d'origine hongroise, Gabor Silasi, au musée McCord. Et bien, c'est ça, c'était ton idée, Émilie. Mais c'était mon idée parce que je voulais te faire connaître un de mes photographes préférés. En fait, moi, j'ai une formation en histoire de l'art. J'ai pas eu beaucoup de cours sur la photographie, mais ce photographe-là m'a toujours marqué par son côté très humble, puis sa capacité à capter vraiment l'essence des gens, de tous les nouveaux. C'est quelqu'un qui a photographié des gens en milieu rural, c'est quelqu'un qui photographiait des gens pour des activités particulières, mais dans le cas de l'exposition, c'était toutes les photographies qu'il avait prises durant les vernissages et autres événements mondains artistiques de 1960 à 1980. Et puis, il n'avait jamais exposé ça. Donc, c'était une première, en fait, au musée McCord. Il a fait une très grosse sélection parce qu'il y avait vraiment plusieurs milliers de photos. Puis ça donnait une autre idée de Silasi, qui est quelqu'un qui est toujours un peu effacé, mais là, on le voyait un peu entrer dans un univers qui était un petit peu plus flamboyant, mais moi, je l'imaginais vraiment très bien effacé, qui prenait des photos un peu à l'arrière avec les gens, avec des tenues un peu particulières, qui buvaient un verre dans les vernissages avec des espèces de conversations philosophiques sur l'art, mais... Mm-hmm. C'est un peu ça que j'en ai tiré aussi de l'exposition. Son regard, lui, de quelqu'un de plus rationnel un petit peu sur un monde un petit peu plus farfelu. Un peu plus éclaté. Parce que, justement, la vie à Montréal, du côté des galeries d'art et tout ça, était, à mon avis, mais je ne suis pas des plus renseignés, mais était plus active, plus... En effervescence, peut-être? Oui, en fait, c'est que les gens des différents milieux des arts se côtoyaient beaucoup plus que maintenant. C'est un peu plus séparé, je dirais, maintenant. À l'époque, justement, dans le milieu culturel, il pouvait avoir autant... Bien, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'artistes visuels qui étaient invités dans les vernissages, mais il y avait d'autres différents types d'artistes. C'était plus effervescent. Mais en fait, ça allait avec l'époque aussi. Là, les années 60-70, disons que c'était un peu l'époque... drogue rock'n'roll, là. Oui, c'est ça. C'était justement un peu plus éclaté, disons, au niveau... D'abord, étais-tu plus drogue ou rock'n'roll? Ah, oh, mon Dieu, non. Ni un ni l'autre, d'après moi. Là. En tout cas, je ne l'ai pas côtoyé, mais il a l'air, justement, d'un type très effacé, très sobre, très... empathique, je dirais. Oui, bien, moi, je l'ai rencontré à deux reprises, puis vraiment, c'est quelqu'un... qui parle pas beaucoup, qui observe beaucoup. C'est vraiment un observateur des gens. Et on le sent dans l'exposition. En tout cas, les photos qui sont ressorties, on sent qu'il observait tellement qu'ils pouvaient capter le cliché au bon moment ou oui. des trucs intéressants. Puis on voit qu'évidemment, c'est pas toutes ces photographies de cette époque-là qui sont publiées parce qu'il y en aurait des centaines, sinon des milliers. On voyait, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait les planches contact où on voyait certaines sélections d'images qui étaient encerclées. Oui. Puis des trucs comme ça, fait que je trouvais ça vraiment intéressant. J'en ai mis une sur Instagram, mais je suis pas sûr qu'il y avait une image d'encerclée dessus. Mais je mettrai le lien, là. On peut voir une planche contact, en tout cas, puis une ou deux photos de l'exposition. Mais tu dis que tu l'as rencontré. Il t'est arrivé aussi une petite anecdote lors d'une de tes rencontres. Oui, mais en fait, la première fois que je l'ai rencontré, à l'époque, je ne le connaissais pas du tout. C'était quand j'étais au baccalauréat. Il faisait une exposition avec les Impatients de Montréal, qui est, dans le fond, une fondation qui fait des cours d'art-thérapie pour des gens qui sont aux prises avec des troubles de santé mentale. Puis cette exposition-là, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait des portraits de différentes personnes, mais dans l'exposition, tout était placé au même niveau, donc ils ne donnaient pas plus d'attention à Gabor Szilassy. Il y avait des photos qui étaient prises par les patients, puis il était présent au vernissage de l'exposition, mais on voyait que ce n'était pas lui la star, là. C'était vraiment la clientèle des impatients qui était la star, dans le fond, de ce vernissage-là. Puis je l'ai rencontré une deuxième reprise dans un vernissage où je ne savais pas qu'il serait présent. C'était un vernissage, une expo de sculpture, je ne me souviens pas trop. Puis, je me rappelle qu'il y avait une mezzanine à cet endroit-là. Et puis, moi, qui est une personne qui s'habille toujours enfoncée, ce jour-là, j'ai eu la très brillante idée de mettre une robe blanche que j'avais ramenée de voyage. Je me suis dit, c'est une très bonne occasion. Puis j'avais à peine entamé un verre de vin, je descendais des marches de la mezzanine. Et puis, qu'est-ce que je vois en bas des marches? Gabor Szilassy, puis la fan en moi a poussé un petit cri. Et malheureusement, en poussant un petit cri, j'ai fait un geste de la main dans laquelle je tenais ma coupe de vin. Et je me suis lancée... Aspergée de vin rouge, en plus. sur une belle robe blanche ramenée de voyage 2-3 semaines auparavant. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Monsieur Szilassy, très gentil, n'a fait qu'un petit sourire en coin. Et puis moi, je me suis enfuie à la maison. Mais depuis, pour Gabor... tu es inoubliable. Oui. C'est ça, exactement. Il passe encore à toi. La dame en blanc, œuvre d'art ambulante oui, avec ton vin. Oui, c'est ça, exactement. J'étais une œuvre d'art abstraite. Ouais, ça, il pensait que tu étais une artiste de performance. Probablement. Que tu étais engagée par la place. Oui, ça devait être ça. Non, ben, je trouvais ça super intéressant. C'est pour ça que j'ai invité Émilie, ben, pas juste pour raconter son anecdote, mais parce qu'elle connaissait déjà, elle l'avait rencontré, tout ça, puis... Émilie, bon, a dit qu'elle a une formation en histoire de l'art, mais elle a quand même une formation en muséologie, donc muséologue de formation. Donc, aller au musée avec Émilie, c'est toujours fascinant, c'est super intéressant. Et ben voilà, je trouvais que ça se prêtait super bien parce qu'on avait vu une exposition de photographes. Et il y avait aussi l'exposition de Michel Campeau. Michel Campeau que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé l'exposition, c'est très différent comme exposition. Oui. Mais c'était intéressant parce qu'on voyait il y a des sections complètement différentes. Il y a 4 sections ou 5 sections, dont une où ce sont des photos de chambres noires. Donc, il voulait montrer la simplicité ou même, en québécois, on appellerait ça le patchage qu'on trouve dans les chambres noires, les trucs raboutés ou pour cacher la lumière, pour pas qu'il y ait d'infiltration de lumière, des trucs comme ça. Il y avait une autre section où Michel Campeau... avait une grande passion, c'est d'imiter l'art de certaines photographies, le style de certains photographes, de certaines photographies. Les années 50-60. 50-60, aux États-Unis beaucoup. Et on le voyait magasiner des photographies sur eBay. Des diapos. Et là, on le voit, puis il est prêt à mettre des fois jusqu'à 300 quelques dollars pour une photo ou un petit lot de photos. Puis là, il va comme à la chasse, tu sais, dans un marché, si tu veux. Puis là, il va revenir avec des trucs, mais il ne sait pas encore s'il est tombé sur des si bonnes photos que ça ou pas, qu'il va pouvoir émuler ou en tout cas, ou qu'il y a une signification derrière. Puis C'est... En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de le voir, ce type-là, parce que tu le vois que des fois, il est vraiment emballé pour acheter une photo, puis là, quand, dans son tri par la suite, ah, ça fait plus vraiment son affaire. Ça, il a comme changé d'idée, on dirait, par rapport à certaines photos. Puis là, il fait un tri, puis là, il y en a qui ne veut plus. Il va s'en débarrasser alors qu'il vient de les acheter il y a quelques semaines, quelques mois, avant de préparer son truc. Puis... Mais de très belles photos. Il faisait des photos d'équipement, donc d'appareils photo, de flash, de trucs comme ça. Ben moi, je les trouvais vraiment esthétiquement belles. Oui. T'sais, c'est visuellement attrayant. Visuellement attrayant, comme t'aimes dire, Émilie. J'aimais l'esthétique de ces photos-là. La pureté, parce qu'il y a souvent un fond noir où c'est vraiment l'objet mis en valeur. Tu vois que le sujet principal de la photo, c'est l'objet en lui-même. Principal et souvent unique de la photo, là, c'est vraiment ça. Puis la première section, c'était quoi? C'était une espèce de ramassis de toutes sortes de trucs. Hein? Il y avait des montages. Oui, il y avait des montages, mais. Du graphisme aussi. Il y avait. En fait, je pense que c'était des objets de sa propre collection. Puis il a fait des agrandissements photos de ça. Là. OK. C'est quelqu'un qui me semblait un peu l'espèce de cliché de collectionneur un peu fou. De hoarder, là, qu'on appelle. Oui, de hoarder, vraiment. De ramasseur. Autant ses photos avaient un côté rationnel que la personne en lui-même avait un côté vraiment très, très émotif et justement de collectionneur un peu fou. Autant pour faire le parallèle avec Szilassy qui, lui, prend des photos émotives, touchantes, mais est quelqu'un qui a l'air vraiment très rationnel puis qui va faire cadrer ses choses de façon vraiment très spécifique. Je pense que d'avoir vu les deux expositions en même temps, ça montrait vraiment... deux aspects totalement différents de la photographie contemporaine, dans le fond. Oui. Deux processus, deux réflexions. C'est vraiment, vraiment à l'opposé, les deux, je dirais. Parce que, c'est vrai, on ne l'a pas mentionné, mais Gabor, c'est que de la photographie en noir et blanc. Oui, c'est vrai. Donc, tu sors d'une exposition où les photos sont quand même... c'est des photos de gens ou d'événements, mais qui sont sobres, épurées, noirs et blancs. Puis là, tu arrives dans un autre univers où tu as des trucs couleurs, tu as des trucs comme les chambres noires. Ça, c'était pas trash, mais c'était... délabré, parfois. Délabré, un peu, c'est ça. Donc, il y a vraiment un peu de tout. Il y avait un bon contraste, pour utiliser un terme photo. Peut-être voulu aussi, c'est les deux au même musée. Au même musée, mais pas au même étage, disons. Donc, c'était pas une continuité, si tu veux. Tu pouvais visiter une et ne pas visiter l'autre. Là. Mais moi, je tenais, quand j'ai vu qu'il y avait deux photographes en plus d'exposer en même temps, j'ai dit, c'est encore mieux, c'est magnifique. Parce que c'est peut-être un préjugé, une mauvaise expérience, mais quand je vois Musée McCord, j'ai tant l'impression que c'est des petites expositions qui sont très peu développées par manque d'espace. Szilassy, c'est vraiment une petite pièce. Mais moi, je dirais que c'est à son image. Oui, c'est discret. Ça a un côté solennel aussi parce que c'est des reproductions de photos, mais au centre de la pièce, on expose entre autres un de ses livres de notes avec des notes manuscrites. Oui. Je trouvais que c'était comme un espèce de clou de l'exposition. Ça avait une espèce d'aspect spirituel. OK, t'es muséologue. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, c'est que j'aime tellement Szilassy que peut-être que quelqu'un qui l'aime pas trouverait ça plus moins intéressant parce que c'est vraiment pas une grosse exposition. Mais moi, je trouve ça vraiment solennel. Bon. Ouais. Ben oui, je confirme. Mais puis le fait que justement cette table-là avec son carnet, son appareil photo, toutes sortes de trucs, c'était au centre de la pièce, donc c'est vraiment, tu vois vraiment que c'est l'élément central, puis tout le reste autour, c'est ce qui a été, sans faire de jeu de mots honnêtement, mais ce qui s'est développé à partir de ça, là. Mais c'était pas voulu, mais c'est le mot qui m'est venu en tête, mais bon, c'est ça, alors voilà, merci de m'avoir invité à cette exposition, puis d'avoir voulu participer à l'émission après, c'est vraiment intéressant. Et toi, Maxime, qu'est-ce que tu as fait côté photo depuis le dernier épisode? Pas fait grand-chose. Ah. Look at this photograph, oui. Nickelback. C'est bon quand tu conduis sur la route, Nickelback. Je dois les défendre pour ça. Ah, OK. Non, c'est juste un petit clin d'œil parce que, à part aller au Jean Coutu, puis chercher du papier de toilette et entendre cette chanson-là dans la tête, à la radio de Jean Coutu, et sortir avec cette chanson-là dans la tête, j'ai pas fait grand-chose côté photo. OK. J'en vois que le travail. Bon, alors, donc, je te remercie beaucoup. On va. Non, non, mais tant qu'à être dans ce monde de l'égoïsme et du moi, parlons des autres. Mm-hmm. On va parler d'un ami qui s'appelle Charlie MTL sur Instagram. Ben d'ailleurs, c'est un super bon lien que tu viens de faire parce que on parlait pas de notre photo non plus, Émilie et moi, puis toi non plus. Ah donc... non, c'est. Non, non, mais c'est le fun, c'est un beau hasard. Mais ça reste encore qu'on est à la fin de l'hiver, donc qu'on vous a déjà parlé avant, il fait froid, mais là c'est fini et tout. Donc, Charlie MTL, c'est un Instagrammeur montréalais. Ben, Charlie est venu au premier photo walk d'Objectif Numérique il y a 2 ans. Exactement. Oui, je l'ai rencontré à personne, on est devenu amis Facebook, tout ça. Puis quand tu m'as dit, je vais parler du projet de Charlie, c'est le Charlie que je connais. je pense que tu l'as rajouté sur Instagram en même temps parce que m'a dit, je voyais même pas, je savais même pas qu'il faisait ça. Alors vas-y, je te laisse en parler. Charlie MTL, il fait des photos de Montréal. C'est quelqu'un qui, comme moi, marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Donc il profite de chaque occasion pour prendre des photos de Montréal. Des photos, rien de nécessairement particulier en termes de photos, mais depuis un certain temps, il prend des très, très, très grandes marches. Je trouvais que j'étais un très grand marcheur moi-même en marchant 8 à 12 heures par jour. Aïe, aïe, aïe. Mais l'autre fois, ils ont marché, lui et son copain, de Ville-Mont-Royal jusqu'à Westmont. Et après ça, ils ont monté jusque dans l'est de Plateau-Mont-Royal toute la même journée. Ouf! Pour le plaisir, pour faire des photos. Mm-hmm. Parce que donc, les deux prennent des très grandes marches. Ils prennent le moins possible l'autobus, le moins possible le métro. Mm-hmm. Et donc, il y en a un qui est devenu le modèle de l'autre, la muse. Oui. Donc, en fait, Charlie MTL, il fait une série qui s'appelle Muse in the Streets. Juste mal fait mes notes un petit peu. C'est pas grave. Ouais, je pense qu'en réorganisant mes affaires, j'ai mal arrangé le hashtag. Mais on va le mettre dans les notes de toute façon. Les gens auront même juste à cliquer sur le hashtag puis ils vont pouvoir voir ça. Donc, c'est ça. Donc, il prend des photos de son copain en train de marcher devant des maisons belles, des murales, des bâtisses. Des aujourd'hui, colorés. C'était le temple maçonnique qui est malheureusement très peu connu. C'est dans le Mille Doré sur Sherbrooke Ouest. Oui. Un très beau temple. Sinon, il y avait un autre sur une murale, ainsi de suite. Donc, c'est simplement ça. Juste à un moment donné, ils marchaient, ils ont vu. Charlie a vu deux belles maisons de couleurs différentes. Puis, il a demandé à son copain, il dit attends, remarche là. Puis, il a traversé la rue, il a pris une première photo. Puis, le monde a eu une bonne réaction. Ben, c'est bien. Puis, en même temps, tu peux contrôler le marcheur. Donc, tu peux mieux le placer ensuite. Puis, après ça, donc, au travers de leur marche, ils ont commencé à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Comme ça, à poster peut-être une ou deux par jour depuis janvier. Puis Pierre, son copain, travaille dans les milieux des médias, donc qui a beaucoup de contacts. Donc, depuis ça, là, le Huffington Post en a parlé, Tourisme Montréal en a partagé, Radio-Canada, ils ont fait une mention brève de sa série. Donc, c'est super beau, c'est super bien. Intéressant. Puis, je suis un promoteur de la marche en ville. On est très paresseux. Du monde qui chale pour faire, pour devoir marcher, mettons, une station de métro, j'en ai déjà entendu, de Sherbrooke à Mont-Royal, en pleine panne. Ça n'a pas de bon sens de faire marcher ça. Mais Sherbrooke à Mont-Royal, ce n'est pas deux stations? Non, c'est une. Ah non, c'est une. Mais sont un peu distantes. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas quartier. Quartier à... ouais. Ce n'est pas à Laval. Quartier à Concorde, là, ça, c'est long. Même moi qui disais qu'il était un défendeur de la marche, je ne pense pas que je serais prêt à marcher ça. En plus, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à voir, comme il n'y a pas de vitrine de magasin. Non, y a pas, c'est assez résidentiel comme coin, oui. En tout cas, on va mettre le compte de Charlie sur notre page pour pouvoir vérifier comment c'est beau. Absolument. C'est pas de bon choix. Ben merci. C'est une. Ça aurait pu se retrouver dans les suggestions de la semaine, mais c'est. Je trouve ça bien parce qu'on le connaît, Charlie, puis c'est une bonne façon de le présenter et d'en parler. Merci bien. Ben côté photo, j'en ai fait d'autres aussi. Très rapidement, puis je mettrai des photos dans les notes, mais ben d'ailleurs, puisqu'Émilie est là, on est allé au parc Oméga avec mes enfants, voir des animaux. Oui. Et justement, à chaque animal, Émilie faisait... Oui! Je pensais que c'était juste des Français qui allaient là. Il me semble chaque fois sur un Instagrammeur français. Non, ben. Il semble à chaque semaine, ils vont ça là. Ça se peut, parce que moi, c'était la première fois, puis je suis presque mi-quarantenaire. Non, mais c'était la première fois que j'allais là. Je suis déjà allé, disons, au parc Safari, aux zoos de Granby, mais le parc Omega, c'était la première fois. Donc, ça se trouve, disons, pas mal plus près d'Ottawa que de Montréal, mais ça se fait bien en voiture, puis rendu sur place, c'est super intéressant, il y a plein d'animaux, des sangliers, il y a des cerfs, il y a des bouquetins des Alpes. Bouquetins, hein? Les boucs. Bouquetins des Alpes. Oui. C'est quoi les bouquetins? C'est des petits boucs? Oui, une espèce de petite chèvre. Oui, avec des bonnes cornes, des bons... Il y a des loups arctiques, il y a des renards arctiques. Oui, des renards arctiques. Vraiment cute. Oui, il y a des dindons sauvages. La dinde noire sur le coach. c'est moins exotique un peu, mais quand même, elles sont intéressantes. Puis ils s'approchent de la voiture, fait que tu peux faire des super gros plans. J'avais mon objectif 70-200 mm, fait que je pouvais... au début, je me suis dit, si les animaux s'approchent de l'auto, je ne pourrais pas les prendre, je vais être beaucoup trop proche. Mais non, au contraire, c'était ça qui était intéressant parce que j'ai fait un gros plan d'un dindon sauvage et son air, oui, je vais la mettre dans les notes, là. C'était vraiment drôle. Puis pour aller chercher justement les bouquetins en haut de l'espèce de colline et tout ça, ou des cerfs éloignés et tout ça, c'était pratique d'avoir un 200 mm. Puis je me suis vraiment amusé. Les enfants aussi, ma fille avait... l'appareil photo que je lui ai donné à Noël, puis elle avait, pour ceux qui aiment les trucs techniques, là, je vais rentrer juste un petit peu dans les focales, mais elle avait un 18-200 mm sur le Sony Nexus, puis elle aussi, s'il était très près, les animaux, elle restait dans les petites focales, mais sinon, à 200 mm, plus le facteur de rognage, elle avait un plus grand zoom que moi même, puis elle a vraiment, vraiment apprécié ça, elle a pris 250 photos, quelque chose comme ça. Puis moi aussi, j'en ai pris pas loin de ça. Émilie, je me souviens pas combien. 300, quelque chose comme ça. Mais Émilie avait mon A7 aussi avec le 24-70. On était tous équipés avec quand même des bons appareils. C'était super intéressant. Mon fils, lui, un peu plus jeune, tu sais, 8-9 ans, il dit oh, « moi, je ferai pas de photos ». Au début, il voulait en faire avec son téléphone. Il a même pas sorti son téléphone pour prendre des photos. Il préférait regarder les animaux puis apprécier son expérience. Fait que... c'était bien parfait comme ça aussi. J'ai l'impression que c'est quand même un bon endroit pour prendre des photos. Les animaux, ils ont l'air plus... Ça se peut-tu, je ne sais pas, j'ai jamais été vraiment aux trois parcs safari ou quoi, mais ils ont l'air d'être plus libres, en quelque sorte. Ça a l'air plus forêt, plus... Ça dépend lesquels. Le parc safari, il y a quand même pas mal d'animaux en liberté aussi. Ben, je pourrais pas dire que c'est comparable parce que je suis allé seulement une fois à chacun d'eux, disons à 2 ou 3 ans d'intervalle. Là, donc, je me rappelle pas exactement. Puis un, c'était en été, puis là, lui, c'était en hiver. C'est quand même assez différent. Par contre, ce que j'ai su par après, c'est qu'au parc Omega, à l'exception des ours, qu'on ne peut pas voir parce qu'ils hibernent, on voit plus d'animaux qu'en été dans les grandes chaleurs parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont plus nordiques ou de climat arctique. Donc, l'été, ils cherchent l'ombre, ils sont dans leur tanière au frais ou... Alors que là, ben, on les voyait, ils étaient tous à l'extérieur, puis ils venaient chercher de la nourriture. Oui. Donc, quand l'épisode va sortir, je pense que vous devez courir au parc Omega, ça va être le temps parfait C'est encore aller, le temps parfait, mars, oui. Oui. Mais si vous y allez en juillet, ça sera peut-être pas le meilleur moment, mais en tout cas, vous risquez de voir des ours, j'imagine. Je pense qu'il y a plus d'oiseaux, par contre. Ah quand oui. C'est ça qu'il disait, en été, il y a des oiseaux, là, il y en avait clairement pas. Oui. Mais encore là, pour faire, si vous y allez pour faire de la photo et que vous voulez photographier des oiseaux, ça vous prend au moins un 200 mm, même je dirais un 300-400, parce que aller les chercher dans l'arbre, ça prend un bon zoom. Tandis que les gros animaux, comme les cerfs, on n'a pas besoin d'un zoom nécessairement pour... Puis souvent, il y en a 7, 8, 10, puis ça remplit ton cadrage. Il y a des animaux un peu partout, c'est vraiment intéressant pour ça. Enfin, donc ça aussi, je vais mettre je vais mettre la photo du dindon dans les notes d'épisode, puis je vais mettre un lien vers mon album Flicker. J'en ai publié, 25-30, quelque chose comme ça. Moi, je sais que c'était dans ma liste d'épiceries à faire cet été. Bon. Liste d'épiceries photo, en quelque sorte. Laisse-moi choquer. Mais vas-y, avril-mai, je te dirais, ça va être bon. Trop été, peut-être que tu vas moins apprécier l'expérience. Je sais pas. Ou essaie-le, puis tu m'en reparleras. En attendant, je vais essayer de photographier les pigeons, mais... C'est un peu moins photogénique. Puis c'est moins exotique aussi. Ben, ça dépend ce que tu veux faire aussi, mais si tu vas dans un truc, une réserve faunique pour photographier des pigeons, tu peux te tenir au centre-ville dans le Vieux-Port. Je pense pas qu'il y a beaucoup de pigeons. Non, c'est ça. Même des pigeons voyageurs. Mais les pigeons à la place Saint-Marc à Venise, c'est très exotique. Ah, oui, par contre. Oui, mais ça cause de l'environnement parce que tu prends les mêmes pigeons exactement, tu les mets dans une ruelle. Non, ils parlent en italien, les pigeons, là-bas. Ils sont un petit peu moins chubby. C'est ça. Ils mangent mieux aussi. Bon, on va conclure parce qu'on s'étend, mais en tout cas, on espère quand même que ces histoires plaisent aux auditeurs. On a un petit bloc nouvelles, et là, ma foi, comme Christian n'est pas là, j'ai l'impression qu'il y a juste moi qui a des nouvelles. Je vais limiter ça. Je vais faire ça rapidement. Il y a Google qui a retiré une option dans la recherche d'images pour mieux protéger les photos en ligne. Auparavant, on pouvait faire tout simplement voir l'image ou view image, et puis là, ben, il suffisait de faire un clic droit et d'enregistrer l'image, mais comme il y a eu beaucoup de plaintes pour les droits d'auteur et compagnie, cette option-là n'est plus disponible. Par contre, on peut toujours trouver quand même des images et tout, sauf que ça peut peut-être un peu sensibiliser les gens au fait que les images, c'est pas parce que ça se retrouve en ligne que c'est gratuit. Donc, ben, tu sais, je suis content parce que les gens, ben, y en a beaucoup qui font de la photo et qui ne s'en préoccupent pas, mais il y a des gens qui font de la photo et qui deviennent conscientisés à ça parce que là, ils se disent « Ah, je me suis fait voler ma photo, quelqu'un l'utilise ailleurs sans me l'avoir demandé, etc. » Ça arrive à n'importe qui. Il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook à l'occasion, puis « Qu'est-ce que je fais si je vois qu'une publication a utilisé une de mes photos? » Première question souvent que je pose, c'est « Est-ce que tu as participé à un concours? » Et souvent, la réponse est oui, et ils n'ont pas lu les petits caractères qui font souvent en sorte qu'on donne tous nos droits d'utilisation, de reproduction et de blablabla, et on cède nos droits quand on participe à un concours, et que ça soit avec à peu près n'importe quelle entreprise ou entité, ça fait partie des règlements, parce que premièrement, ils veulent pouvoir republier la photo du gagnant, mais souvent, il y a des concours un peu moins honnêtes qui veulent se ramasser une banque d'images à peu de frais. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à avoir des images. Ils disent, on a les droits d'utilisation ad vitam aeternam et on peut faire ce qu'on veut avec. Malheureusement, c'est arrivé à des gens que je connais. C'est même un peu pour tout. C'est même en télévision, tu es dans le public, tu es ici, tu es ça. Mm. Tu signes un release, puis ils peuvent utiliser ta face après, ta réaction, ton applaudissement. Absolument. Une décharge. Yeah. C'est mieux que release. c'est plus français, mais c'est correct aussi. Un model release ou juste un release pour utiliser, c'est un terme très, très connu, très utilisé en photo. Il y a Fujifilm qui a lancé le X-H1, donc un nouveau boîtier dans la série X. Et il y avait eu des rumeurs pendant très, très longtemps. Et le boîtier est finalement lancé sur le marché. On parle d'un capteur X-Trans CMOS 3, 24,3 mégapixels. Donc, les capteurs X-Trans de Fuji, toujours très réputés. Un X-Processor Pro. ISO 200 à 12800, mais extensible à 100 vers le bas et 51200 vers le haut. Par contre, moi, je me tiendrais, que ce soit Fuji ou n'importe quelle marque, quand ils annoncent, disons, 200 à 12800, n'allez pas dans les plages extensibles de sensibilité ISO. Peut-être à 100, ça peut aller, là, mais si vous montez à 51200, d'habitude, les images sont très, très pleines de bruit, disons. Stabilisation dans le boîtier sur 5 axes, ce qui vous donne 5 stops et demi de stabilisation. Donc, si des fois on prend une photo puis c'est sombre puis notre appareil descend à 1/5 de seconde ou un dixième, là on gagne 5 stops. Donc si on passe à partir d'un cinquième, on monte à 1/10, 1/20, 1/40, 1/80, 1/160, on peut monter, et là, la photo, elle est nette parce qu'il n'y a plus de flou de bouger ou de juste de... Tu sais, des fois, on tremblote un peu en prenant une photo ou quelque chose comme ça. Ça, la stabilisation aide à justement garder la photo nette. Et pour vrai, je l'ai constaté dans mon Sony A7R2, il y a la stabilisation dans le boîtier et j'avais des objectifs non stabilisés et mes photos sont drôlement plus nettes parce qu'on va à des endroits plus sombres ou juste le soir, sur la rue, n'importe où, tu prends une photo et des fois, à main levée, ta vitesse est pas assez rapide. Comme avec un cellulaire aussi, avec un téléphone, si on prend une photo et c'est trop sombre, souvent la photo, ça va être flou, il y a eu un petit peu de mouvement et souvent c'est suffisant pour que la personne ou le sujet soit flou. Avec ça, ça permet de si votre sujet bouge, évidemment, on n'a pas de contrôle là-dessus, mais si vous bougez le moindrement, l'appareil compense et votre photo sort quand même plus nette qu'elle serait sortie sans stabilisation, donc ça c'est bien. Un petit viseur électronique de 3,69 millions de points, millions de pixels, donc très très bonne définition dans le petit viseur optique. Écran 3 pouces à 1 million de points, c'est bon. Touchscreen, donc tactile, très bien. Vidéo 4K à 24 et 30 images secondes. Ralenti 1080p, 120 images secondes. Donc ça, on peut faire des beaux ralentis après ça dans les vidéos, c'est très intéressant. Et il y a un paquet d'autres trucs, évidemment, Wi-Fi, Bluetooth, deux cartes mémoire. Donc c'est un beau boîtier qui est très sérieux, là, disons semi-pro. non, je dirais pro. le boîtier seul coûte 1 900 $ américains. donc 2 500 $ canadiens, quelque chose comme ça. On doit être pas loin des 1 900 € aussi, là, j'imagine, ou 1 800 € dans ces coins-là. Donc c'est quand même un boîtier pour les photographes sérieux. Et du côté de Sony, le Sony A7 III ou A7 Mark III qui a été lancé il y a quelques semaines, c'est tout récent. Et Sony qui le baptise « The Basic Model », le modèle de base. Et c'est vrai, le Sony A7 dans la gamme, il y a le A7, A7R et A7S. Ben, le A7 tout court, c'est le modèle de base, entre guillemets, en caractère gras, je dirais. Vous allez voir pourquoi. Je sors encore, je sais que vous êtes moins un peu technique, mais vous aurez juste à lâcher un petit « Oh wow » de temps en temps, ici et là, et ça va aller. Comme, ça, comme pour les photos d'animaux. Wow. C'est ça. Donc, le Sony A7 III. Déjà, le nom, on voit que... c'est un capteur 24,2 mégapixels. Ça, c'est relativement standard. Je viens de parler du Fujifilm X-H1 qui est à 23,2. Donc, mais de toute façon, les mégapixels... Même si j'ai changé un peu d'avis avec mon A7 R2, les mégapixels, c'est pas vraiment important. Il faut pas que ça monte trop haut pour rien. Là. Surtout quand c'est pas un... Là, c'est un plein capteur, ça va. Là. Mais quand c'est pas un appareil professionnel, ça donne rien d'avoir 24 ou 30 mégapixels parce que les points deviennent plus petits et ça fait plus de bruit dans l'image. C'est moins sensible en faible lumière. Mmh. Stabilisation aussi 5 axes, qui peut gagner 5 stops, exactement comme j'ai expliqué tout à l'heure. 693 points de focus. Oh, oh. Ça, oui, très bon timing, Maxime. 10 images secondes pour la rafale. On parle du processeur qui fait deux fois la vitesse de traitement du A7 Mark II. Un écran de 921 600 points. Ça, c'est pour un appareil, tu sais, considéré professionnel, là, plein capteur, c'est un peu bas, je dirais, mais bon. D'ailleurs, les 10 images secondes, on peut les faire en mode silencieux, en mode ninja qu'on appelle, Caroline Cloutier et moi, on appelle ça le mode ninja. Et ça, c'est vraiment intéressant et impressionnant. Sur l'A7 R2, qui est sorti quand même il y a 2 ans, il y a une image qu'on peut faire à la fois en mode silencieux. Il n'y a pas de rafale, si on veut, puis c'est quand même un appareil... qui est professionnel et tout. La technologie va vite. Là. C'est des trucs vraiment intéressants qui se rajoutent avec les nouveaux modèles. Sony a réglé le problème majeur depuis le Sony A9 en présentant une nouvelle pile. Et avec le A7, c'est la même nouvelle pile et on peut prendre plus de 700 photos sur la même charge. Wow. Bon timing, bon timing, vous apprenez vite. Parce que il y a beaucoup d'appareils sans miroir, que c'est dans les 300 ou 400, 450, ça commence à être beaucoup pour un appareil photo sans miroir. Là, on parle de 700 photos et même, il y a des gens qui l'ont testé apparemment et qui se sont rendus à près de 1000 photos. Des photographes américains que j'écoute sur un autre podcast. Et ils sont allés, je ne sais pas si c'est en Alaska ou je ne sais plus où est-ce qu'ils sont allés, mais c'était là, ils sortaient pour la première fois avec, ils venaient d'acheter le Sony A9 qui a la même batterie. Là, et puis, ils pouvaient faire comme 1000 photos sur une même charge. Là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Vidéo 4K qui est enregistrée en 6K. Quand même. Ouais. Donc, ça s'appelle de l'oversampling. Et ça, ce que ça permet, c'est d'avoir justement de la stabilisation, meilleure résolution, etc. 14 stops de plage dynamique, donc pour aller chercher les ombres et les lumières. Donc, pour que la photo, il n'y ait pas... Si tu photographies un building avec un beau ciel ensoleillé, pour pas que ton ciel soit blanc, si tu réussis à aller voir le building du côté ombragé, si tu veux, dans l'ombre. Donc, entre l'ombre et la lumière. Et voilà, ça bien fait. Et bon, deux cartes SD. Il y a un petit joystick à l'arrière pour mieux jouer avec les points de focus ou les trucs comme ça. Donc, vraiment, pour un modèle de base, il y a du stock. La grosse base. Mais, oui. Mais quand tu dis 6K à 4K, j'ai pensé, j'étais voir en famille, petite parenthèse, oui. Louis-José Houd. Oui. Puis dans un de ses monologues, mais en tout cas, c'est une heure, là, mais il disait que l'être humain, on avait tendance à s'attaquer toujours aux petits problèmes plutôt que s'attaquer aux grands. Tu sais, les problèmes de racisme, de ci, de ça, oui. Depuis des millénaires. Mm-hmm. Et c'est pas vraiment un problème. C'est qui a décidé que de passer du HD au 4K allait tout changer? Pourquoi, pourquoi toute cette énergie? Pourquoi ça servait à quelque chose alors qu'on pouvait comme s'en servir pour combattre tous les autres grands problèmes de la vie? Donc, absolument. Oui. Mais il y a tellement de trucs comme... Passer de 300-400 photos sur une même charge à 700. Plus de photos de chat. Il y a ça. Là, mais Émilie s'est donné le défi de dire le mot chat 12 fois dans l'émission. Oh merde, j'ai oublié. Là, c'est ta première fois. Dis-le 11 fois de suite. Chat. Bon, okay. Il te reste encore. On est à mi-chemin. Il reste encore la moitié de l'émission ou presque. Et pour faire un petit lien avec le Sony A7 Mark III, il y a Sigma qui a annoncé presque simultanément 9 objectifs de la série ART pour la monture E de Sony, donc ou FE là, pour les A7 de ce monde. 9 objectifs, 9, c'est énorme, c'est la plus grosse annonce d'objectifs lancés que je puisse me rappeler là, simultanément par une même compagnie. Et il y a beaucoup de gens qui dénigraient un peu justement Sony parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas beaucoup d'objectifs. Même moi, au départ, quand j'ai acheté l'A7, au début, il venait de sortir. Puis il y avait 2 objectifs, je pense, peut-être 3. Et c'était assez limité comme offre. Mais au fil du temps, à chaque 2, 3, 4 mois, il sortait un nouvel objectif. Et là, ben, on se retrouve 4 ans et des poussières plus tard. Et là, il y a... je pense, 26 objectifs différents. Donc, on parle de focales différentes, on parle d'ouverture maximum différente, on parle de stabilisé, pas stabilisé, série master, de base. Il y en a. Et là, le fait que Sigma lance 9 objectifs ART, qui sont la série professionnelle, donc qui peuvent ouvrir jusqu'à f1.4 ou même f1.2, donc énormément de lumière, ça en dit long. La monture E est là pour rester. Et d'ailleurs, Sony a encore des DSLR, des réflexes, là, de la monture A. Et il n'y a pas eu d'annonce de ce côté-là depuis assez longtemps, merci. Et là, les gens parlent de plus en plus que la monture A et les DSLR, les réflexes, allaient être abandonnés. Mais avoir les appareils qui lancent dans le sans-miroir, c'est pas étonnant. Voilà, j'ai terminé la portion technique. Vous ne voyez pas, chers auditeurs, mais il y a des grands sourires BA devant moi. C'est moi, ça sonnait un petit peu chimie, science, tout ça. Bon. Puis, ça sonne tout un peu chromosome, tous les modèles de Kodak, là, XH1, A7 III, des nouvelles Ben oui, mais tu sais, si tu regardes un véhicule, un Mazda CX-7, c'est pas mal toujours. Mais au moins comme Elantra, mettons, Elantra quelque chose ou Golf quelque chose. Ben pas toujours. Pas toujours. Comme je te dis, chez Mazda, disons, tu as le CX-5, il y avait le CX-7, le CX-9. C'est peut-être une des questions les plus niaiseuses de l'histoire d'objectifs numériques. Je suis quand même fier de le poser. Non, mais tout à fait. À l'époque, ben, ils ont commencé à mettre aussi, chez Canon et chez Nikon, un D dans la numérotation des modèles pour dire « digital », numérique. Ouais. C'est juste que parfois, ils se retrouvent avec une espèce de nomenclature établie depuis longtemps. Puis là, ben, ils veulent ajouter ou faire une continuité pour que les gens s'y retrouvent, parce que les gens, s'ils sont déjà dans cet écosystème-là, ben là, ils vont savoir que le 5D, disons le successeur, comment je pourrais dire, pas psychologique, là, mais le successeur... organique. C'est pas grave. Mais pour dire qu'il y a une continuité, mais là, du côté numérique, puis c'est comme ça. Mais il y a certains noms qui sont moins évidents, effectivement, là, comme l'Olympus OMD. Ah oui, dans non, l'épisode d'avant, ça l'a pris. OK, je pensais que tu allais le finir. Non, j'ai déjà tout pas oublié, pratiqué. OMD, EM1 ou EM5 ou EM10, tu sais. Mais c'est ça. OMD, c'est la série OM Digital, puis EM, j'imagine que c'est Electronic Mount ou E-Mount quelque chose, ou en tout cas. Il y a toujours une raison, ou presque toujours, une raison derrière les lettres dans les noms. Les numéros, ensuite, c'est pour dire la série où on se trouve, là. Et généralement, plus le chiffre est petit, plus c'est un modèle professionnel ou performant. C'est pour ça qu'on voit, disons, chez Nikon, on a les séries 3000, 5000, 7000, 9000, ou je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'il y a 9000, mais en tout cas, 3000, 5000, 7000. Mais là, si tu montes, ben là, tu as le, disons, le 800, le D850. Là, c'est plus performant. Mais tu as le D3 ou D4S ou des trucs comme ça. Ouais. Et là, ça, tu tombes dans le professionnel vraiment. Là. Quoique le D850, c'est tout un appareil, d'après ce que je lis là, depuis quelques mois. Mais au moins, ils ont un petit peu plus de sens en quelque sorte que les chars, parce que un professeur en marketing disait que les chars, soit plus qu'ils sont riches, là, mettons un BMW, Mercedes, ce soit trois lettres, là, je ne suis pas un expert en sort non plus, mais il y avait souvent des sorts de luxe à un X dedans. Ouais. Puis selon lui, c'était pour comme ramener au sexe inconsciemment, comme donc le char de riche, donc le char puissant, okay. Plus le sexe, ainsi de suite. Il disait que c'était une convergence psychologique, bon. Puis il disait ça sérieusement, donc... Ah oui, OK. Donc il était crédible. Ouais, il était assez crédible. Mais, ouais, mais écoute, je m'y connais pas assez en nomenclature automobile. Non, c'est peut-être pas qu'est-ce qui est le plus passionnant non plus, aussi, la nomenclature. Ben voilà. Et ben, comme on avait une invitée, on ne fera pas de topo cette semaine. On va passer aux suggestions de la semaine. De toute façon, on s'est très étendu sur l'exposition de Gabor Szilassy et sur le Parc Omega et sur Charlie MTL. Les suggestions de la semaine, on va commencer avec toi, Maxime. Tu dis qu'on s'est éternisé sur Charlie MTL. On va profiter pour le repluguer bien vite. Bon. Il prenait en photo dans sa série Muse in the Streets son chum, copain, Pierre, qui tripe beaucoup sur la Norvège. Okay. Et mon lien nous transporte en Norvège. Oh là là, t'es fort, t'es okay, fort. Non, là, j'ai poussé un peu loin. C'est un court-métrage un peu over-réalisé. Ça se dit pas vraiment en français, mais un petit peu surréalisé, peut-être trop léché, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit court-métrage qui s'appelle One Last Frame, okay. Qui est réalisé par Nils Winfeldt, qui est un vidéaste... qui semble prometteur, et ainsi de suite, mais qui n'est pas encore connu, qui est encore jeune, et ainsi de suite. Okay. Puis il a réalisé son court-métrage de 5-6 minutes en pellicule 16 mm. Okay. Puis il faut saluer ça parce que ça colle très bien avec le message. C'est, comme je disais, One Last Frame. Puis c'est comme un genre d'œuvre poétique, en quelque sorte, où un homme et une femme se promènent dans les rues modernes d'Oslo. Ils parlent de ce que ce serait leur dernière photo s'il resterait une seule photo à prendre. Ah oui, wow. Intéressant. C'est un peu comme, j'avais souvent déjà vu ça, le même qui repasse de temps en temps, c'est comme Neil Armstrong, puis tu vois, genre, était sur la Lune, a pris 5 photos, puis tu vois, genre, une adolescente de 14 ans dans les toilettes publiques, puis marqué, a été aux toilettes et a pris 37 photos. Ouais. Donc, c'est ça, eux autres, ils disent que c'est devenu une obsession plutôt qu'une prise de conscience sur la photo. Mm-hmm. C'est qu'on sort l'appareil pour n'importe quand, on ne vit plus vraiment le moment, et ainsi de suite. Puis on prend des dizaines, des centaines, des milliers. Je disais tantôt 250 photos, à peu près, mettons, chaque au parc Omega. Donc. Ben, tu me fais penser, mini parenthèse, récemment, ben en fait, c'était la fête de la Saint-Patrick tout récemment, et je voulais aller photographier la parade. Mais il faisait moins 42 dehors, mais peut-être. Non, il faisait moins 23 le matin avec le vent. Là. Disons moins 14, mais avec le vent, ça descendait à moins 23. Et là, j'ai dit, ça va être difficile, mais je voulais quand même aller faire un petit tour. Puis finalement, on a fini par me convaincre de ne pas y aller. Mais je me suis vengé parce que, en m'en allant en ville, j'ai vu la statue qui s'appelle Scope, je crois. L'homme là, qui est en blanc là, près de l'autoroute 10, quand on arrive à Montréal, sur le boulevard Robert-Bourassa. Ouais, il était partout sur Instagram cet été, mais j'ai oublié son nom. Une petite sculpture de 10 mètres de haut qui est prêtée à la ville de Montréal pour 25 ans et qui a coûté 500 000 $ en frais de transport et installation et tout ça. Tout un prêt à ce niveau-là. Je l'ai vu et je devais tourner justement au coin de cette rue-là. Et là, j'ai dit, attendez-moi 2 minutes, je vais prendre une photo. Je voulais prendre une photo au moins cette journée-là. Et je suis allé prendre la statue en photo. Et là, ben, il y avait un cône orange, il y avait un petit peu de neige encore, il n'y avait pas de verdure, c'était pas super intéressant. Mais j'ai quand même pris ma photo, puis rendu ici, j'en ai pris au total, je pense que j'ai pris 5 ou 6 clichés. Rendu ici, il y avait une seule photo qui me plaisait. Et j'ai décidé de la rogner un peu dans le bas pour ne pas montrer le fameux cône orange et compagnie. J'ai juste recadré un peu et je l'ai mise en noir et blanc. Et je trouve que le contraste est intéressant parce que la statue est très blanche. Le ciel était bleu, bleu, bleu. Donc en noir et blanc, il sort presque noir. Et les buildings sortent dans des tons de gris divers. Et ça fait très contrasté. Et là, ben, je trouvais ça... J'étais content parce que moi, mon but... Quand je sors faire de la photo, c'est de revenir avec au moins une bonne photo. Souvent, je reviens avec plusieurs qui me plaisent, là, disons, mais d'en prendre aussi peu et d'en avoir une qui me plaît, je trouvais ça c'est satisfaisant, tout simplement, c'est le fun. Donc le sens de cette photo-là, c'est la satisfaction en quelque sorte. Oui, mais c'était la satisfaction d'obtenir une bonne photo avec peu de clichés et en pas beaucoup de temps. J'ai pas passé la journée là non plus. Donc, tu parlais de One Last Frame, mais moi, je me disais, je veux prendre une photo de cette statue-là. J'en ai pris au total 5 ou 6 juste pour une espèce de backup, de sécurité, si tu veux, si mon angle n'était pas tout à fait bon et compagnie, parce qu'avec le numérique, ben, on peut se le permettre. On n'a pas de limite vraiment, mais mon but, c'était de prendre une seule photo de la statue, en tout cas pour le moment. Je vais y retourner quand il y aura un peu de verdure et moins de cône orange, puis on verra. Mais déjà là, J'ai réussi à me contenter, à me satisfaire de cette photo-là. Ce serait ta dernière photo. Si tu pourrais plus prendre de photos, donc, tu aurais été satisfait. Si c'était ça mon dernier cliché, puis qu'à partir de maintenant, je ne pouvais plus en prendre, je me dirais, ben c'est pas si mal. C'est pas une de mes meilleures photos, mais c'est une bonne photo. Je sais pas, moi, en tout cas, je pensais depuis hier, ça serait quoi ma dernière... Si j'aurais une seule photo à prendre, mais toi, ça serait... Micha. Une fois de plus. Merci Maxime pour le lien, pour la perche tendue. Mais moi, je sais vraiment pas ce serait quoi. Je pense pas de porter vraiment de signification à n'importe quoi. Je suis un peu pas blasé ou détaché des affaires. Hein. Beau ou moins beau, quoi, mais j'avais vraiment la misère à trouver. Et dans le film, on les voit même pas vraiment prendre de photos non plus. Donc, okay. C'est plus une réflexion, un processus. Ouais, c'est plus. Comme je disais tantôt, un peu over-réalisé, c'est super bien filmé, c'est un beau processus. La fille norvégienne, jolie et tout, mais ça restait très poétique, un petit peu trop beurré épais, mais c'est un questionnement pas facile, mais qui serait vraiment très intéressant à pouvoir avoir. Donc, je sais pas si vous pouvez nous envoyer en commentaire, ça serait quoi votre dernière photo ou si vous avez une seule à prendre. Très bonne idée. Envoyez-nous un commentaire. Oui, votre idée ou même votre photo, si vous l'avez prise. Si on vous disait que vous ne pouvez plus prendre de photos et que vous considérez que vous avez pris la bonne photo que vous vouliez, faites-la nous parvenir. Puis on pourra peut-être même mettre une petite galerie dans les notes d'épisode pour partager ça avec les autres auditeurs. Et sinon, juste votre idée, votre concept, ça serait vraiment intéressant de partager ça avec les gens. Très bonne idée. Vous pouvez envoyer une photo de votre chat. Mais en fait, techniquement, je pense que la photo que je prendrais pour ça, c'est quand on était à la vanne il y a un an et demi, presque deux ans, je suis tombée à un moment magique où, sur le building où il y a, dans le fond, le visage de Che Guevara. Là-bas, il y a beaucoup de vieilles voitures des années 50. Ben, au moment où j'ai pris la photo du visage de Che Guevara sur le building, il y a une voiture décapotable rouge fin des années 50 qui passait à ce moment-là très exactement. Puis la photo est vraiment géniale. C'est comme j'ai capté ça sur le moment. Puis sans penser aux voitures qui passaient devant. Non, sans penser du tout aux voitures. Puis ouais. Ça a été comme une de mes photos que j'ai pris dans toute ma vie que j'ai fait « Wow, fallait être là! » Oui. Puis en plus, ben, c'est exotique. C'est une photo que tu te dis « Ben, je tu sais, je peux pas passer 10 fois à essayer d'aller refaire la bonne photo. Non. Tu l'as, tu sais, t'as voulu prendre une photo, tu l'as réussi mieux que tu pensais. Puis voilà. Et il n'y avait même pas de chat dans ta photo. Étonnant. Pas de quoi, j'ai pas compris. Non, Maxime, tu avais une deuxième suggestion? Suggestion, oh, ça aurait, j'aurais pu peut-être un peu plus la mettre dans la nouvelle. C'est serait quelque chose qui serait... Selon les recherches du gars qui aurait fait ça, ce serait la deuxième fois seulement que ça arrive. Suspense, suspense. C'est le 3 mars dernier, il y a une très grosse tempête sur la côte est américaine, un nor'easter qui frappait les côtes. Puis il y a deux photographes de la Nouvelle-Angleterre qui ont décidé d'aller au New Hampshire. New Hampshire, je sais jamais si New Hampshire. New Hampshire, puis prendre une photo d'un phare maritime, d'un lighthouse, qui est frappé par les vagues et ainsi de suite. Puis il y a un parc qui est vraiment très bien, qui est le Great Island Commons, c'est à Newcastle. C'est, en tout cas, je pense que personne ne connaît ça, parce qu'il y a à peu près 700 habitants, 800 habitants sur Wikipédia, donc je pense pas que vous connaissez ça. Mais le photographe, il faisait vraiment mauvais, il vantait beaucoup. Donc le photographe, un des deux, qui c'est Ron Wiseman, il s'est comme caché un peu, protégé sur un très gros arbre, sur le tronc d'un arbre. Et l'autre, Éric Gendron, qui semble pas être francophone, mais plutôt descendant des Québécois qui ont fui là-bas le 100 ans. Il était caché sous un toit, parce que c'est un endroit de pique-nique beaucoup, donc c'est comme il y a plusieurs tables avec protégé par un toit, mais pas le mur. Il était caché là à peu près à 30 mètres environ de l'autre. Puis les deux prenaient la photo du phare. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Ron Reisman, il a pris sa photo, il était 45 minutes. Il y a trois vagues qui étaient satisfaisantes pour lui. Il est rentré dans son char. Il s'est dépêché à mettre une photo sur son Instagram le plus rapidement possible dans le char. Quand il est arrivé à la maison, il n'a pas aimé. Il a retravaillé ses photos sur son Lightroom. Il a remplacé sur Instagram. Puis il y a une chaîne de télé locale qui a partagé sa photo du phare frappé par les vagues sur son Facebook. Donc, il y a eu quelques commentaires, là, en dizaines, en centaines, qui est beaucoup, sans être beaucoup. Puis il y a une fille qui a accusé le gars d'avoir volé sa photo, Ron Wiseman, à Éric Gendron. Puis là, il a dit, donc lui a écrit, il dit non, j'ai un fichier up pour prouver que c'est à moi. La fille a effacé son commentaire, ils se sont parlé, ils ont changé. Puis là, il a vu que l'autre gars qui n'avait pas conscience qu'il était là à 30 mètres de lui, a pris exactement la même photo. Et quand tu les superposes les deux, au premier abord, il n'y a aucune différence vraiment entre ces... Tu sais, quand tu dis que même les gouttes d'eau dans l'air, là, que la vague a éclaboussé, puis que c'est identique à quelques pixels près, là. Il y a... Puis c'est ça, ils ont déterminé que ce sont, en haut du phare, il y a une espèce de rambarde ou de clôture, là, et l'angle des poteaux de la clôture variaient légèrement, et c'est comme ça qu'ils ont pu déterminer que c'était pas la même photo, que personne n'avait volé la photo de l'autre. Ils étaient à peu près à ça, je pense, 30 mètres un de l'autre, donc l'angle était légèrement différent, mais ils ont pris la même photo à la même fraction de seconde. T'sais, prendre la même photo à la même fraction de seconde, c'est justement avec les appareils numériques à cette heure, c'est vraiment ça se peut, là. Très possible, mais là, eux autres, donc, ils ont pris la même photo quelque sorte, à la même seconde et sous. Mais en plus, c'est qu'ils ont pris, ils disent pas combien, mais ils ont pris des dizaines, des centaines. Ils ont choisi la même pour la publier. Exactement la même. Puis Ron Wiseman, en tout cas, après ça, c'est sorti. Puis les deux sont encore accusés, surtout Ron Wiseman doit l'avoir posté par après. J'ai pas eu l'information en faisant ma recherche. Okay. Mais il s'est vraiment accusé de, de l'avoir volé, ensuite d'avoir modifié une petite affaire parce qu'il y a deux petits remous différents. Il y a le haut du phare qui n'est pas pareil. OK. Mais en tout cas, Ron Reisman, il a fait une vidéo explicative de 7-8 minutes en anglais où il explique vraiment toutes les données techniques ou les appareils utilisés, la vitesse, et ainsi de suite. Et c'était deux Canon, pas le même modèle. Ron Reisman, il avait le 5D Mark IV, puis Exodron avait le 70D, je ne sais pas les spécificités autres. Ouais. Puis en tout cas, tout est expliqué là. Le 60D, comme... c'est l'appareil que j'avais avant mon Sony. Mais c'est un appareil... c'est pas le même capteur qu'un 5D Mark IV. C'est ça qui explique exactement. C'est pas la même vitesse qu'il y avait nécessairement. C'est pas le même ISO, ainsi de suite. Il y avait pas y avait-tu le même objectif? Ou peut-être pas exactement le même ça objectif. Ça semblait pas être le même non plus. Mais c'est vraiment très explicité. Expliqué. Explicité, c'est pas pareil. Expliqué ou détaillé. Détaillé et tout. Mais puis lui, Ron Weissman, entre autres, il disait qu'il fait souvent des cours, il fait des timelapses, ainsi de suite, mais il donne des cours de photographie. Justement des photo-walks, puis il n'a jamais vu, même dans ça, en quelque sorte, du monde ressortir avec une photo vraiment hyper similaire ou pareille avec toutes les photo-walks qu'il avait faites. Puis comme je disais en début, ça serait arrivé une seule fois en 2011, selon lui, selon ses recherches, mais c'était lors d'une compétition de surf. Donc, okay, en quelque sorte, les photographes sont pas tous à la même place et l'action est pas mal la même, donc... Mais selon lui, ça serait comme la seule autre fois que ça serait arrivé, c'est sûr que ça peut arriver d'autres. Mais s'il n'aurait pas changé d'idée aussi, s'il aurait. Puis si la station de télévision ne l'aurait pas partagé, personne ne l'aurait su. Oui, effectivement. Fait qu'il y a eu plein de facteurs qui ont convergé vers ce moment. Si vous parlez anglais, le lien va être sur notre site. C'est vraiment hyper expliqué. C'est pour la vidéo la plus passionnante, mais tout est expliqué. Excellent. Toute une coïncidence. Et parlant de coïncidence, c'était un peu facile, mais il y a un article sur petapixel.com parle de coïncidence sur les trottoirs de New York en photo de rue. Et vous allez voir, c'est assez drôle. On voit des gens, comme il y a un type qui est photographié, qui passe devant un building où il y a une murale avec une espèce d'incendie, des flammes, et on dirait que c'est le chapeau du type qui est en flammes alors qu'il parle au téléphone en marchant tout bonnement. Il y a un autre type qui passe devant une photo sur un mur, mais la photo est plus petite que grandeur nature, donc on voit des gens, et lui, quand il marche à côté, on dirait qu'il est géant, et en plus, c'est une personne quand même qui corpulente. Fait de l'embonpoint, corpulente, et on dirait que c'est un géant qui passe devant une façade de magasin, de boutique. Il y a vraiment toutes sortes de trucs. Quelqu'un qui lit un livre avec un visage de geisha en couverture ou un visage asiatique à tout le moins, et on dirait que c'est son visage parce qu'il est positionné exactement au bon endroit, des trucs comme ça. Donc, c'est amusant. C'est des petites coïncidences amusantes. Je trouve que c'est difficile à expliquer en mots. Il faut vraiment les voir. Absolument. C'était bien aussi, c'était vraiment partout, mais partout, sur plusieurs sites en une semaine, ça était viral comme série. Non, c'est okay. Ça, c'est le genre de petit truc qui est amusant et que les gens aiment voir. Et parlant de série, t'as une suggestion pour nous, toi? J'ai une suggestion, mais en fait, ma suggestion, c'est un photographe qui est aussi un ingénieur aéronautique que j'ai découvert il y a quelques semaines, qui fait de la photographie depuis quelques temps. C'est de la photographie de danseuses, de ballerines. Le type s'appelle Steven Berrouillère. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Mais ce qu'il a essayé de faire, entre autres, c'est de célébrer le 375e anniversaire de Montréal en faisant un hommage à un lieu vraiment iconique de Montréal, c'est-à-dire le métro de Montréal. Puis lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de superposer le mélange urbanisme du métro avec la danse classique, le ballet classique, la gestuelle des danseuses et des danseurs. Puis il a fait une très grande série dans plusieurs stations de métro. Donc, il y a un compte Instagram, on peut le voir sur son compte Instagram. Personnellement, je trouve que le mélange, justement, de milieu urbain avec la danse classique est assez intéressant à voir. si vous connaissez peut-être un photographe qui s'appelle Jordan Mather, qui fait justement lui aussi des séries, cette fois-ci dans la ville de New York, de danseurs et danseuses dans des positions classiques, de ballet classique, dans des lieux urbains de New York. Puis sinon, dans ce même ordre d'idées-là, sur Instagram, il y a le Ballerina Project. C'est encore un autre photographe qui fait un peu la même chose. Puis récemment, là je me rappelle pas du nom, mais récemment j'ai même vu une photographe française faire la même chose, prendre en photo des danseurs et des danseuses de différentes villes de France dans des lieux urbains. Puis moi j'ai bien hâte de voir ce que Steven Berruyère va faire parce qu'il partait pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie prochainement, il est peut-être déjà rendu. Donc j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire sur son compte Instagram s'il a décidé de poursuivre du côté des danseurs et des danseuses en Nouvelle-Zélande. Pourquoi pas? On va mettre évidemment le lien vers son compte Instagram dans les notes d'épisode. J'aimerais ça aussi, ça semble être une mode sur Instagram, mais il y en a un que j'aime beaucoup aussi qui prend les ballerines dans les rues, souvent aux États-Unis où ils habitent, mais à Porto Rico, dernièrement aussi, pour faire qu'il y a eu l'ouragan, puis l'électricité, puis l'eau n'est pas rétablie encore plusieurs mois plus tard dans plusieurs endroits. Mm-hmm. C'est Omar G. Robles. Donc, un de plus, vous allez pouvoir avoir votre dose de ballet. Aux amateurs de danseurs et danseuses de ballet, bien, vous allez être comblés avec toutes ces séries de photos. Et voilà, ben ça conclut déjà ce 122e épisode. Merci beaucoup, Maxime. Merci, merci. Merci, Émilie. Merci. Comment s'est passée ta première visite? C'est excellent, mais ça manquait de chant en studio. Ah voilà, on est rendu, je pense, à 10, là. T'approches. Les deux autres. Chacha. Ça manquait aussi de chacha. Oui, c'est ça. Voilà, ben au prochain épisode. Ben d'ailleurs, est-ce que tu veux inviter les gens à te suivre, toi, sur Instagram ou... Oui, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est Émilie Jolie, tout simplement, en un mot. Voilà, tiré de la chanson du même nom. Oui. Par contre, je publie beaucoup de photos de chats, je préfère vous avertir. Là, ça fait 13, t'as dépassé le quota. Parfait. Maxime, on rappelle, c'est Xim Soriol, Xim souligné Soriol. Oui, c'est pas facile. Et de mon côté, c'est SVAI Photo, SVAI Photo. Puis voilà, au 123e épisode, on va parler de l'infiniment petit, de l'infiniment loin et de photos avec un téléphone mobile. Ça fait longtemps qu'on en a parlé. On devait en parler à cet épisode-ci. Je crois qu'au dernier épisode, on avait dit qu'on en parlerait au 122. Mais là, comme on avait une invitée et toutes sortes d'autres sujets, bien, j'ai réservé ça pour le prochain épisode. Ou, on l'espère, Christian pourra être des nôtres. On lui souhaite un prompt rétablissement. Les petits microbes du printemps avec les changements de température, passés de 5 degrés à moins 42 000, c'est difficile sur le système. Et voilà, je vous remercie beaucoup, chers auditeurs et auditrices, d'être fidèles. Et d'ici le prochain épisode, à vos déclencheurs!